de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je suis avec Thierry Jandel. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Oui, j'ai 63 ans, je suis marié, j'ai deux enfants qui sont grands maintenant et j'habite entre Nancy et Pont-à-Mousson, donc relativement loin d'ici. Loin des montagnes, malheureusement, mais je fais avec. Et voilà, passionné par la nature en général et la montagne en particulier. Vous faites partie d'une association qui s'appelle Ski Club Oxygène. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors, c'est une association qu'on a créée en 99, tout simplement parce qu'on était quelques passionnés de ski, mais on ne se retrouvait pas dans les clubs existants où tout tournait souvent autour de la compétition et on était quelques-uns à ne pas aimer ça, la compétition, et trouver que c'était pas forcément une bonne idée d'aborder les sports de nature avec l'idée de compétition. Donc on a créé notre propre structure. Bon, ça a été un peu compliqué au début, surtout qu'on est éloigné du massif des Vosges, donc pour faire des sorties on a pas mal de routes à faire, mais voilà, ça s'est créé tout doucement et ça existe encore. Votre association est originaire de Sézeresse en Meurthe-et-Moselle, c'est ça? Oui, c'est entre un petit village entre Nancy et Pont-à-Mousson. C'est près de Liverdun, non? C'est à côté de Liverdun, tout à fait. C'est un peu compliqué pour faire du ski là-bas. Oui. Dans quel but elle a été créée, du coup, l'association? Ben justement, c'était pouvoir regrouper des gens qui avaient un peu les mêmes idées sur la nature, le ski, la montagne, et qui avaient envie de pratiquer un peu différemment. Vous êtes un des créateurs de l'association. Oui, on était un petit noyau de 4 ou 5 copains et copines au départ. La plupart sont encore là pour faire un petit noyau dur de cette association. Ouais. Et combien de bénévoles compte l'association? Bénévoles, c'est très variable en fait. On essaye de se répartir un peu la tâche. J'ai envie de dire qu'on est un noyau dur d'une dizaine de bénévoles. Et qu'est-ce qu'ils font, les bénévoles, dans l'association? Alors, ils peuvent faire plein de choses. Il y a des tâches un peu ingrates, comme la fonction de trésorier, qui est pas très drôle, mais qui est absolument indispensable. Ensuite, chacun donne un petit coup de main par rapport à ses compétences. Par exemple, ça peut être rechercher un hébergement pour organiser un stage. Ça peut être préparer un itinéraire pour un voyage à vélo. Ça peut être... On a également des moniteurs qui ont été formés, moniteurs bénévoles qui ont été formés et qui vont encadrer lors d'un stage. Est-ce que certains bénévoles sont sportifs? Ah ben, ils sont tous... Enfin, le mot sportif, j'aime pas trop le mot sportif, parce que moi, j'estime que je suis pas vraiment sportif. Un sportif, c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui regarde ses performances, etc. La plupart d'entre nous, on n'est pas trop comme ça. Par contre, c'est vrai qu'on est capable de marcher pendant ou skier pendant un certain nombre d'heures, même s'il fait mauvais, même s'il y a des complications, etc. Donc, si c'est ça, être sportif, oui, on est un peu tous sportifs, oui. Et combien est-ce que vous avez d'adhérents dans l'association? Alors, c'est extrêmement variable. Là, je crois que cette année, on doit être une cinquantaine. On est allé jusqu'à une centaine. Forcément, après le Covid, comme toutes les associations, on a morflé un peu et c'est en train de remonter un petit peu, oui. Est-ce que vous avez besoin de dons pour l'association? Alors, on a fait récemment une demande de subvention, mais j'ai envie de dire que on se débrouille, quoi, comme toutes les associations. On n'est pas forcément, on a plus besoin en fait de voir des gens venir avec nous que de l'argent finalement. Et elle se trouve où, l'association? Alors en fait, comme je suis président depuis la création, j'essaye qu'on me remplace, mais personne n'a l'air d'être vraiment motivé. Donc l'association, le siège social, il est chez moi, tout simplement. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles? Bénévoles, oui, forcément. J'ai envie de dire qu'on est à la recherche de gens qui ont des idées et qui veulent partager leurs idées, leur façon de voir la nature et de voilà, c'est ça en fait. Est-ce que vous souhaiteriez lancer un appel à nos auditeurs qui pourraient vous rejoindre? Bon, ben, j'ai envie de dire que tous ceux qui aiment la nature et qui sont conscients et conscientes que ben, elle est en train de prendre cher, hein, depuis déjà pas mal d'années, et que c'est malheureusement en train de s'accélérer si on regarde un petit peu autour de nous. Ben, tous ceux qui ont envie de bouger dans cette nature, que ce soit en été, en hiver, avec des skis, avec un vélo à pied ou etc., ben, qui nous rejoignent, ouais, effectivement. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de vos différentes activités. On vous laisse avec Damien Saez avec son titre Mon Européenne. On se retrouvera juste après sur Radio Gémozo. Elle est gauloise au petit vin blanc, elle est contre-gouvernement, elle est profite des religions, elle est pop putain du pognon, elle est vent du nord ou d'ouest, elle est vent du sud ou de l'est, elle est sans abri à la rue, elle est toujours peine perdue. Elle est gitane, elle est profane, elle est con, la gauloise plane. Elle est toujours fumeuse de joint, elle dort dans les gares en chemin. Elle est solidaire au combat, elle est Varsovie, Messina. Elle est pas banquière pour un sou, elle est pas botte au garde à vous. Elle est sans abri, sans frontières, elle est contre totalitaire. Elle est je t'emmerde avec ta thune, elle est vas-y resserre une brune. Elle est ma gueule de Picasso, elle est tous mes potes au pinceau. Kusturica, Sarajevo, elle est pas loin, la Gestapo. Mon Européenne, c'est pas la Bruxelles. Mon Européenne, c'est pas Genève. C'est pas la thune qui marche ou crève. Tu sais, moi, mon Européenne, elle a pas vraiment de frontières. Son corps, c'est la planète entière. N'en déplaise au peuple bourgeois. Tu sais, mon Européenne, à moi, elle est que pour mon rat sur l'épaule. Elle est tatouage de la tôle. Elle est accordéon sanglot. Elle est accordéon. Moi un tango, elle est destin des origines, elle est racine gréco-latine, elle est contre l'union bancaire, elle est mes révolutionnaires, elle est potamimi pinson, elle est Roumanie sans pognon, elle est guillotine pour les rois, elle est plutôt comme toi et moi, elle est pas médiatique je crois, elle est pas politique bourgeois, elle est paysanne au combat, elle est partisane quand elle boit, elle est ouvrière licenciée. C'est pas la fille du progrès. Elle est pantonéon métro. Elle est plutôt Manu Crado. Elle est nordique nord-africaine. Elle est un peu baltique aussi. Elle a des airs de statue grecque. Elle a des airs des italiques. On dirait Paris à Venise. Qu'on dirait Namur aux Marquises. C'est Gauguin qui peint la terre comme un pinceau, vous dit mon frère. Mon Européenne, c'est pas Bruxelles. Mon Européenne, c'est pas Genève. C'est pas la thune, tu marches ou crèves. Tu sais, moi, mon Européenne. Elle est pas Merkel ou Hollande. C'est pas la vague, c'est propagande. Les discours de nos bistrots. Elle est roumaine dans les métros. Elle a peur, enfin du moins. N'en déplaise au peuple bourgeois. Elle est pas Mercedes, je crois. Elle est plutôt grecque au combat. Elle est suédoise dans un trois. Elle est mon ardoise quand je bois. Elle est gréco-latine, germaine. Elle est britannique quand elle traîne. Elle aime les bars, elle aime la bière. Elle aime l'odeur du populaire. Elle est moitié loup, moitié chienne. Elle est tout qu'on aille, tout qu'on vienne. Elle est Barcelona, Corazon. Elle est Venise, elle est Vérone. C'est pas la boursière de London. C'est l'enfer des Babylones. Elle est Charbourg, Saint-Pétersbourg. Elle est toutes les putains tambours. Elle est Russie, américaine. Tu sais, moi, ma république haine. Elle est polka dans les métros. Elle est gypsy, elle est Django. Elle est pas ghetto à Calais. Elle est pas reine du billet. Elle est ferrée qu'au sous-franco. Elle a le sourire du prolo. Elle est petit matin. Elle est conne. Nous sommes de retour avec Thierry sur les ondes de RGM. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les adhérents de l'association, Thierry ? Alors en fait, c'est contrairement à beaucoup d'autres associations ou ski clubs, on n'est pas limité à un territoire, une commune ou autre. En fait, les adhésions sont faites un petit peu par le bouche à oreille au début et puis ensuite un peu par les réseaux sociaux. Donc en fait, on a des gens d'un peu partout. Et bien sûr, la majorité est, on va dire, dans un périmètre autour de Nancy et les villes environnantes, mais on a pas mal de Vosgiens, on a des gens d'Alsace, du territoire de Belfort, on a même des Bretons, des Belges. Enfin voilà, ça se fait un petit peu comme ça, quoi, un peu bouche à oreille. Sur votre site internet, on peut lire que Oxygène est affilié à la Fédération Française de Ski et dépend du Comité Régional du Massif des Vosges. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, tout à fait. Donc, la Fédération Française de Ski, c'est, comme tout le monde, comme beaucoup la connaissent, c'est une fédération qui propose de la glisse un peu sous toutes les formes, hein, du ski nordique, biathlon, ski alpin, snowboard et ski de randonnée qui est un peu notre cœur de cible. Et puis cette fédération elle est découpée en comités régionaux et donc nous faisons partie du comité régional des Vosges qui regroupe tous les clubs du Grand Est. Et sur votre site, on peut lire également que Oxygène a décidé de ne pas être seulement consommateur de sport et d'activités de pleine nature, mais également acteur dans le domaine de la promotion de ses activités. Ça veut dire quoi ? Alors c'est quelque chose qu'on a eu envie de faire dès le début, c'est-à-dire que on est bien content d'avoir des sentiers de randonnée bien balisés, bien entretenus, etc., etc. Donc, ce qu'on a fait assez rapidement, c'est qu'autour de ma commune, en fait, on a créé, réhabilité, balisé, entretenu des sentiers. Au-delà de ça, on a aussi tout près de chez nous la boucle de la Moselle, qui est une boucle de près de 90 km entre voies vertes et itinéraires cyclables, qui est presque terminée, c'est-à-dire qu'il manque un petit, enfin, à notre goût, on a un petit tronçon de 5-6 km qui pourrait être vraiment beaucoup mieux que ce n'est. Et du coup, ça pourrait être une des plus belles voies vertes de France, puisque elle a pas mal d'atouts. Déjà, elle est en boucle, c'est relativement rare, les voies vertes en boucle. Et puis également, elle longe des voies d'eau comme la Meurthe, la Moselle, le Canal, etc. Elle passe au milieu de sites qui soient naturels, historiques, architecturaux, etc., qui sont remarquables. Donc, on en a fait depuis les débuts de notre assoce un petit peu la promotion en proposant presque chaque année ou au moins tous les deux ans un parcours où on faisait découvrir aux personnes qui venaient avec nous un peu cet itinéraire. Et qu'est-il possible de faire avec l'association Oxygène ? Alors, bien évidemment, en hiver, on se concentre sur le ski. Bon, on est comme tout le monde, on s'est rendu compte que le climat avait changé et qu'il est encore en train de changer. Et les hivers d'antan où on pouvait skier dans les Vosges, par exemple, de la mi-novembre jusqu'au 1er mai, ben c'est des choses qui sont un peu révolues. Donc on va un petit peu plus loin, on va jusque dans les massifs suisses et autres sur plusieurs jours ou sur une semaine. Donc ça, c'est la partie, on va dire, hivernale. Et puis on essaye de plus en plus d'être, comme on dit, quatre saisons, c'est-à-dire que on propose des choses en automne. Donc la randonnée à pied, du VTT, on fait un peu la même chose au printemps. Et puis en été, on essaye chaque année de proposer un voyage à vélo. Donc c'est un voyage à vélo itinérant en autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de camionnette qui nous suit avec les bagages. On porte tout dans nos sacoches et sur nos porte-bagages, et on essaye à chaque fois d'imaginer un itinéraire qui nous fait découvrir. Par exemple, l'année dernière, on est parti du sud de l'Alsace et on a fait le tour du lac de Constance en passant par un petit bout de l'Allemagne, la Suisse et un tout petit bout d'Autriche également. C'est le moment phare un peu de l'été, c'est notre voyage à vélo. Et vous disiez que vous allez skier dans les stations de ski, mais où en Suisse ? Oh, en fait, un peu partout, on essaie de découvrir chaque année des endroits. Alors, c'est pas toujours forcément des stations. Hein. Le dernier week-end de 3 jours qu'on a fait en Suisse, c'est un endroit un peu particulier. Il n'y a pas de station, il y a juste un petit téléphérique paysan, comme on appelle ça, c'est-à-dire que c'est des monts de charge, en fait, qui servent à monter, à descendre le lait en été ou monter les animaux ou le matériel. Et l'hiver, ça sert à gagner quelques centaines de mètres de dénivelé afin de pouvoir faire l'ascension de sommet et la redescente en ski. Voilà. Dans les Vosges, nous avons des belles vues, mais est-ce qu'il y a aussi un beau panorama en Suisse ? Ah oui, c'est sûr que la Suisse, c'est une carte postale. Hein. Moi, je découvre chaque année des endroits de Suisse que je ne connais pas, et chaque fois, je suis assez impressionné par la beauté des paysages. Est-ce que vous ne proposez que du ski alpin l'hiver, ou est-ce que vous proposez aussi du ski de fond ? Alors, on en a proposé un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'a pas de... Pas pour l'instant parmi nos bénévoles de moniteurs entre guillemets qui sont habilités à enseigner entre guillemets le ski de fond. Alors on va proposer assez rapidement de la randonnée nordique, c'est-à-dire que les Vosges sont très adaptées à ce genre de déplacement. Donc ce sont des skis de fond un peu améliorés, un petit peu plus larges, avec des quarts qui permettent de descendre plus facilement, et puis surtout de pouvoir s'affranchir un petit peu des pistes damées. Et comment est-ce que ça tient, parce que ça glisse normalement des skis, est-ce qu'il n'y a pas comme quelque chose comme de la peau de phoque ou quelque chose oui, comme alors, ça? Oui, alors effectivement, bon, alors c'est ça fait extrêmement longtemps que c'est plus de la peau de phoque, c'est de la peau synthétique, mais qui permet, ben, que ce soit pour de la randonnée alpine ou de la randonnée nordique, d'éviter de redescendre, quoi. L'association s'est également lancé un défi qui est de gravir le point culminant de chaque pays de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, alors ça c'est une idée que j'avais eue un matin il y a une quinzaine d'années en entendant, on parlait beaucoup à l'époque, je sais plus pourquoi, de d'Union européenne, et nous on commençait à réfléchir un petit peu, on se rendait compte que les hivers n'étaient plus ce qu'ils étaient, et la saison de ski était de plus en plus courte. On était quelques-uns à avoir des envies de voyage, mais bon, voyager... On est un certain nombre à l'avoir fait il y a longtemps, prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, etc. Ça devenait un petit peu problématique. Donc, ça a fait-il. Je me suis dit, on est dans l'Union européenne et on a un certain nombre de pays autour de nous dans lesquels on peut aller très facilement et on le fait pas. Et voilà, donc le projet de gravir chaque point culminant, enfin le point culminant de chaque pays de l'Union européenne, c'était un petit peu un prétexte en fait. On aime bien la montagne, donc forcément le point culminant généralement il est en montagne. Quand le pays a des montagnes, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, bien évidemment. Donc l'idée c'était aussi d'aller à la découverte de ces pays et des gens qui y vivent. Et quel est le plus beau pays que vous ayez pu voir ? Je peux pas vraiment répondre à cette question parce que chaque pays était différent et je crois qu'en fait ce qui est magnifique, et on s'en rend compte maintenant, c'est l'association de tous ces pays qui sont extrêmement différents avec des gens qui vivent différemment. Bien évidemment, hein, quand on s'est retrouvé en Laponie, c'est pas du tout la même chose que quand on est sur l'île de Chypre. Mais on se dit que tous ces gens-là finalement font partie de l'Union européenne et ils sont extrêmement différents. Et voilà, et c'est magnifique. Est-ce que vous avez vu des aurores boréales en Laponie ? Non, malheureusement, parce qu'on y est allé en été, et en été, c'est pratiquement impossible à voir. Mais c'est vraiment un grand regret, j'aimerais bien voir des aurores boréales, effectivement. L'association propose différentes activités, comme le ski, mais pas que. Il y a des activités classiques, telles que la randonnée et le VTT, mais il y a aussi du roller et du cheval. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Alors effectivement, on a, bon ça, ça date un petit peu, mais on avait essayé de monter une activité roller. On avait d'ailleurs un moniteur qui était génial, mais qui fait un petit peu autre chose maintenant et qui nous apprenait à tenir sur les roues sans tomber trop souvent. Et on a fait quelques belles randonnées, notamment par ici où on a fait une boucle avec les deux voies vertes qui partent de Remiremont. Et on a fait aussi des choses en Bourgogne, etc., en itinérant aussi également. Le cheval, l'équitation plutôt. Ça aussi, c'était. On fait de temps en temps. On va dans une région et on a une bénévole qui est très portée sur l'équitation et qui nous organise de temps en temps un petit séjour d'un week-end quelque part. Alors, ça a été la baie de Somme, ça a été le Jura, ça a été le Morvan, ça a été des endroits comme ça. Où là aussi, l'idée, c'était d'être dans la nature et puis d'avoir les fesses sur un cheval aussi, ce qui est bien agréable. Vous proposez aussi du canoë? On a fait ça aussi, effectivement, descendre quelques rivières comme la Loue dans le Jura ou d'autres rivières. Alors là, on se faisait aider par des adhérents de l'époque qui étaient très pro en canoë, parce que nous, on est quand même des amateurs. Et voilà, c'était bien sympathique. Et pour les randonnées, est-ce que certains bénévoles ont des qualités de guide ? Alors moi, par exemple, je suis accompagnateur moyenne montagne, c'est-à-dire j'ai un diplôme d'État qui me permet d'encadrer la randonnée à pied sous toutes ses formes. Donc généralement, c'est moi qui prépare ces randonnées et qui les encadre. Ouais. J'imagine que les parcours sont pas les mêmes en fonction des niveaux des randonneurs. Oui, alors on sait jamais trop en fait, comme dans toute assoce, on sait jamais trop qui va s'inscrire, qui va venir, etc. Donc on a une espèce d'idée, de canevas, de programme type au départ, et puis ensuite on s'adapte bien évidemment on s'adapte au public qu'on a. Et vous avez fait où des randonnées ? Oula, pratiquement dans tous les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire 28 pays, plus on va rajouter la Suisse, la Norvège, donc ça fait une trentaine de pays. Vous parliez tout à l'heure du voyage à vélo, mais qui s'occupe de ça ? On est plusieurs en fait, hein, on se répartit un petit peu les tâches, donc ça va de la préparation de l'itinéraire, donc maintenant on a des outils numériques qui sont très très pratiques pour faire ça. Avant on faisait ça avec, on achetait les cartes, on mesurait avec des ficelles les distances, machin, etc. On prenait le téléphone pour appeler les campings, enfin c'était très compliqué. Maintenant c'est devenu simplissime. Et puis ensuite, j'ai envie de dire que voilà, il y en a un qui met l'itinéraire sur son GPS et puis c'est parti. Et combien de temps il faut à peu près pour mettre un tel événement en place ? C'est variable. Ça dépend un petit peu des pays. Là, par exemple, on prépare un tour de la Belgique pour cet été. Il y a peut-être une journée de préparation pour regarder un petit peu où on a envie d'aller, trouver un peu les campings pour l'hébergement. Et puis ensuite, ça va relativement vite. Vous proposez également des formations. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors en fait, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment le ski de randonnée. Moi, je suis formateur national pour la Fédération française de ski, pour le ski de randonnée. Donc, à ce titre, j'encadre des formations pour des futurs moniteurs de ski de randonnée. Et notre association permet de mettre le pied à l'étrier à des gens qui sont intéressés par l'activité. Et on a formé comme ça quelques moniteurs. Comment est-ce que vous êtes devenu formateur ? Oh, c'est vieux. Moi, j'ai découvert le ski dans les Vosges, dans la petite station de l'Ermitage Frère Joseph à Ventron. Et moi, petit gamin de la ville, habitant à Nancy, avec relativement peu de nature autour de chez moi, j'avais vraiment l'impression, quand on arrivait là-haut, d'être vraiment dans un autre monde. Et donc, j'ai découvert le ski alpin avec les tire-fesses de l'époque. Et puis ensuite, sortir un peu des pistes. Et puis, à l'âge de 17-18 ans, j'ai découvert le ski de randonnée avec les Alpes, etc. Et puis là, ça s'est jamais arrêté. On rappelle à nos auditeurs que quand vous faites du ski, que vous avez affaire au tire-fesse, de le lâcher. Si vous tombez, lâchez le tire-fesse. Lâchez la perche. Ouais. Vous proposez également des stages. Oui, ben, comme on habite, on est quand même, la plupart d'entre nous, on habite assez loin de la montagne. Pouvoir faire des sorties à la journée, c'est quasiment impossible. Donc quand on part, c'est sur plusieurs jours. Alors ça peut être des longs week-ends ou des semaines. Voilà, donc la semaine dernière, on était dans la vallée de Chamonix et on a organisé une semaine de ski de randonnée et freeride également, en utilisant les remontées mécaniques. Et c'est quoi du freeride? Alors le freeride, c'est en fait on utilise les remontées mécaniques, donc téléphérique, télésiège, etc. Et puis une fois arrivé en haut, au lieu de descendre par les pistes, on s'en échappe. on va en montagne, quoi. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec The Hindman Damish, c'est ça? Oui, c'est un... un groupe allemand, voilà, j'imagine. Oui. Et Playing for Change, on se retrouvera juste après sur le 107. Living easy, loving free, the season ticket on a one-way ride, asking nothing, leave me be, taking everything and in my stride. Don't need reason, don't need rhyme, ain't nothing that I'd rather do. Going down, party time, my friends are gonna be there too. I'm on the highway to hell. No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, you gon' need somebody to stand by. just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Thierry. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Thierry, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux ? Alors, le premier morceau, c'est mon fils qui m'a fait découvrir Damien XVI, qu'on n'entend pas beaucoup sur les ondes, et surtout cette chanson sur l'Europe, parce que justement notre projet européen, dont l'objectif était d'aller à la rencontre un petit peu de tous ces gens qui vivent dans l'Union européenne, ben c'est résumé dans cette chanson, c'est-à-dire que comme il le dit, l'Europe c'est pas Bruxelles, c'est pas Genève, c'est tous ces gens qui vivent dans l'Union européenne. Ensuite, le Highway to Hell repris par un groupe bavarois, c'est très drôle à écouter et à regarder. C'est justement ce mélange, tous ces pays d'Europe où on est allé avec chaque fois leur culture très différente et puis en même temps une espèce de lien commun avec comme là un standard de la musique. Et puis le dernier morceau, c'est pareil, c'est des gens du monde entier avec des instruments différents, etc., qui se retrouvent sur une même chanson. Donc ça pour nous c'est très c'est ce qu'on aime finalement. Oui, j'ai regardé le clip justement, c'est vraiment tourné dans chaque pays du monde et après ils mixent, je crois. Toutes les versions ensemble. D'ailleurs, il y avait une personne qui est en train de faire de la batterie sur un balcon très étroit. Oui, tout à fait. C'est quoi l'actualité de l'association Ski Oxygène? Alors là, paradoxalement, on est encore dans le ski. Avec dans une semaine, là, on prépare quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, c'est-à-dire qu'on va aller planter nos tentes en haute montagne. Pendant 3 jours et de là donc on va bivouaquer sur la neige et de là on va chaque jour en fonction des conditions on va essayer d'aller faire quelques virages encore les derniers de la saison. Ensuite on va changer d'instrument et puis on va passer au vélo. Donc là, on va essayer, parce que c'est aussi un peu notre philosophie d'utiliser les transports en commun. Donc depuis Nancy et banlieue, on va essayer avec les trains, les TER, de relier des endroits sympas où on peut faire une boucle en vélo et revenir le soir en train. Voilà. Et ça se passerait où ça? On n'a pas encore défini, on a quelques idées. L'année dernière, on était allé jusqu'au Luxembourg. Cette année, je pense qu'on va plutôt se diriger vers les Vosges. Voilà, c'est pas encore tout à fait bien défini. Est-ce que vous auriez une idée d'itinéraire dans les Vosges ou pas? Oh ben, il y en a plein. On avait fait une semi-traversée des Vosges de Saint-Dié à Saverne il y a quelques années sur 3 jours en dormant sous tente. En fait, on portait tout avec nos vélos et on était arrivé en train et on est reparti en train. Système D donc. Oui, le changement climatique nous montre quand même qu'il faut qu'on change un peu nos habitudes. Donc toujours monter dans une voiture ou un avion pour aller quelque part, je pense que ça, il faut qu'on le change. Et alors c'est compliqué. En France, les choix de transport en commun sont pas toujours simples, mais voilà, on essaye. À savoir que la pollution est responsable de la fonte des glaces aussi. Ah oui, alors ça c'est un truc qu'on constate nous. Peut-être plus que la plupart des gens, c'est-à-dire que on est souvent sur les glaciers et on les voit fondre à une vitesse mais incroyable, de plus en plus vite. Il y a la semaine dernière, j'étais en Vallée Blanche et donc à Chamonix, donc sur ce qu'on appelle la mer de glace. Il y a des endroits que je reconnaissais pas, des endroits qui ont perdu 100, 200 mètres d'épaisseur de glace. C'est vraiment très très impressionnant. Et inquiétant. Et comme le climat est assez aléatoire ces dernières années, les saisons sont un peu chamboulées aussi. Oui, alors c'est ça qui est bien avec notre sport de prédilection qui est le ski de randonnée, c'est qu'on peut s'adapter. C'est-à-dire que par exemple, cette année en février, tout le monde a constaté que c'était un hiver extrêmement sec avec très peu de neige. Et puis là, depuis 10 jours, il y a beaucoup neigé dans les Alpes et on a pu en profiter puisqu'on n'est pas limité et contraint aux ouvertures des stations ou autres. Quels sont vos futurs projets pour l'association Ski Club Oxygène? Alors, on vient donc de terminer un projet qui a duré quand même 15 ans, qui était de faire l'ascension du point culminant de chaque pays de l'Union Européenne. On l'a terminé cet été, au mois d'août, là, puisqu'on a terminé par le point culminant de la Finlande, tout en haut, là, au nord de la Laponie. Et puis, on était un peu triste parce qu'on s'est dit, un super projet comme ça qui est fini. Et en réfléchissant un petit peu, on s'est dit, mais l'Union Européenne, c'est une chose, mais l'Europe, c'en est une autre. Donc, il y a un certain nombre de pays en Europe qui ne font pas encore partie ou qui ne font jamais partie de l'Union Européenne, sait-on jamais. Et notamment, il y a des petits pays dans les Balkans, comme l'Albanie, comme le Kosovo, des pays où il y a de la montagne, il y a de la nature. Donc, il y a aussi l'Islande, il y a la Norvège, il y a des pays comme ça. Et là, on est en train de regarder justement pour monter un petit peu des voyages dans ces pays. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on veut rejoindre l'association? Oh, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet. On a également une page Facebook. Voilà, donc en tapant Ski Club Oxygène dans n'importe quel moteur de recherche, on nous trouve très facilement. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association? C'est difficile à dire. Qu'on ait plein de gens qui nous rejoignent avec plein d'idées nouvelles. Voilà. Cette émission est maintenant terminée. Thierry, merci d'avoir été avec nous.